ciao. Les gens disent que tu m'en foutais, Aïcha oh. Aïcha oh, la femme que j'adore. Mais les gens racontent, tu m'as fait manger le tobassi. Je connais ta force, je sais là où tu me tiens. Mais les gens racontent, Aïcha m'a fait le grimba. Et c'est la vérité, Aïcha oh. Dans le tobassi, en le goût. Sa majesté Rick Momo. Ben ça. Je veux l'amour que les bêtises appellent Edine. Madingwa, Madingwa, Yitan Moussolo. Donne-moi l'amour que les bamleke appellent Gokon. Mongo Kyotoni. Bye.